gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Jamais on a vu, vu, vu, jamais on verra, ah, ah, ah. La queue d'une souris, ri, ri, dans l'oreille d'un chat, chat, chat. La queue d'une souris, ri, ri, dans l'oreille d'un chat, chat, chat. Sous le vent, vent, vent, un éléphant gras, gras, gras.